La dite grandeur de certaines civilisations a pour fondation la convoitise, la violence et la domination. Alors comment veux-tu que je me scandalise de ce qui m'entoure? Ma résignation est sans mesure, l'indignation je n'en ai plus. Mes convictions s'entretuent, ma condition dans ce monde est enviable car viable, car privilégiée. Je déplore les privilèges, mais ne saurais annoncer, ouais je le sais. Trop habitué au confort qu'il me confère, l'égoïsme me contrôle, même si je crie le contraire. Et je connais la violence qui siège en mon fort. Voilà pourquoi je n'attends rien de mes consorts. Je vois qu'on est bête et méchant, carrément grégaire. On aime la compétition et d'aberrantes querelles. On décerne même des prix pour la paix, à croire qu'on n'a pas été fini tout à fait. Pris dans son écrin, je crains que l'aigreur croisse sous son étreinte. Si le cynisme est une maladie, il m'a gangréné. J'en ai le crâne imprégné dans l'engrenage entraîné. Ses rouages bien graissés, pris dans son écrin, je crains que l'aigreur croisse sous son étreinte. Comme tous, immatriculés sous ce climat social caniculaire, je suis l'œuvre patibulaire de ce système dont je suis un tributaire. Je ne crache pas dans la soupe, mais j'ai cette sensation lourde, particulière, d'être obligé de m'y abreuver. Alors pourquoi la braver, à part pour en baver, mieux la braser, lutter. Je ne sais pas faire exulter, devoir rechuter, un autre insulté pour ce verbe qui m'a été insufflé. Non, plus batté que buté, les âges m'ont ébréché, bêté, desséché, je cédais, ce qui m'animait par le passé. Mais je crois m'être débarrassé d'un fardeau qui me harassait, me harnachait et m'arrachait de l'insouciance. Je ne cherche ni sens ni science, je ne pense que peu car la pensée est perverse. Car le cerveau n'est qu'un outil pour permettre la survie de l'espèce et de sa propre gueule. Je laisse faire vu que la pérennité des nôtres m'importe peu, telle qu'elle je n'espère. Rien de l'humanité, les sentiments d'identité exacerbés qui servent de cerbère donnent envie de pécher sévère. Je dépose une gerbe sur ma candeur d'antan. Je déverse tremblant un peu de fiel tentant de recouvrer mon cœur d'enfant. Mais je sais que c'est peine perdue tant que mes rêves perdurent. Ils me chassent du réel, moi qui cherche l'air pur sur cette sphère percluse. Comme si j'escomptais de la vie de vaines excuses. C'est pris dans son écrin, je crains que l'aigreur croisse sous son étreinte.